Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel opus de Caprice de lecture, nous allons voyager, non pas en train ni en voiture, mais en avion, avec Christophe Puiseux. Bonjour Christophe. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir une deuxième fois. Alors, on est sur la même thématique, mais pas pour le même livre. Oui, et je suis ravie de revenir. Ah, je crois. Ton sourire parle pour toi. Alors, effectivement, pour un livre donc, qui s'appelle « Nancy et l'aviation, une histoire d'amour et de gloire », l'épopée de l'aviation à Nancy de 1900 à 1960. Mais tu n'es pas le seul à avoir écrit ce livre, parce qu'il y a évidemment toi, Jérôme Gross et Vincent Puiseux, ton frère. C'est ça. Ton frère, comme le premier qu'on avait présenté. Absolument. Mais ce livre-là date de 2023. Il est un peu plus vieux, c'est vrai. Un peu plus ancien et il est auto-édité. Encore une fois, oui. Encore une fois. Et vous avez bien fait parce que franchement, c'est un bijou. Ah bah ça me fait très plaisir. Vraiment, je suis très fier de ce livre. C'est un livre conséquent en termes de pages, de qualité de papier. Il faut quand même le noter parce que ça se perd, la qualité du papier dans les livres. On a voulu un bel objet. Voilà. C'est au-delà du livre, effectivement, c'est un objet et qui est parfaitement illustré, mais on en parlera donc après. Alors... Christophe, tu nous emmènes faire un voyage dans l'histoire de l'aviation de 1900 à 1960. Comment est né ce projet ? Alors, ce projet est né d'une question et d'une rencontre. Ok. Voilà. La question, c'était l'histoire du vieux hangar de Malzéville. Oui. Et on n'a pas trouvé. D'accord. Et on a fait une rencontre qui était Jérôme Gross. Et Jérôme nous a dit, bah, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Et je peux même vous fournir des documents pour écrire un livre sur l'histoire de l'aviation à Nancy, parce que ça faisait 50 ans qu'il compilait des documents. Mais il se sentait incapable d'écrire le livre. Alors, ça naît d'une passion, cette histoire d'aviation. Alors, c'est une passion déjà pour les lieux. D'accord. Parce que c'est des lieux qu'on fréquentait, un peu moins aujourd'hui, mais qu'on fréquentait énormément. Ouais. Et Jérôme, en nous distillant des informations étonnantes, amusantes, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas du tout l'histoire de ces lieux et on s'est pris au jeu. C'est génial. Tout simplement. C'est super. Donc, vous rencontrez un compilateur de documents qui ne se sent pas d'écrire un livre. Et vous, passionné, vous avez très envie d'écrire un livre. Vous savez que vous pouvez le faire, mais vous n'aviez pas les documents. C'est un peu ça. Et la vie fait que vous vous rencontrez. Oui et non, parce qu'en fait, on ne s'est jamais vu avec Jérôme. Mais non. Si, il habite dans le Morbihan, ce brave homme. Il est originaire de Nancy, il habite dans le Morbihan. D'accord. Alors, on a eu pas mal de contacts par mail, par téléphone. Ouais. Mais physiquement, on s'est jamais rencontré, on s'est jamais serré la main. Oh, et vous comptez le faire un jour ? Il a encore de la famille sur Nancy, ou si je pars en vacances en Bretagne, oui, on s'est promis de le faire. Ça peut être sympa. Oui, je serais ravi. Alors, justement, moi je disais, donc vous écrivez ce livre, Jérôme Gross vous apporte tous les documents, mais à un moment, comment on trie toutes ces infos ? Comment, à un moment, avant d'écrire le livre, on se dit « ça, c'est prioritaire, ça, c'est secondaire ». Est-ce qu'il n'y a pas toujours cette espèce de doute de se dire « oh, mais j'ai laissé ce détail de côté et peut-être qu'au final, il a son importance ?» Parce qu'il avait plein de documents. Oui, alors c'est assez compliqué à faire, effectivement. Donc, on a déjà bien défini un cahier des charges géographique et chronologique. Donc, on s'est dit, d'accord. Voilà, on ne dépasse pas les 20 km autour de Nancy. Et Ah oui, c'est vraiment, vous avez vraiment fait ça au cordeau. Au cordeau. Et puis, c'est vraiment un ouvrage collectif, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on écrit un livre à plusieurs, très souvent, les gens font un chapitre chacun. Ouais. Et puis, on a des ruptures stylistiques, des répétitions, ça ne va pas. Donc, on n'a pas du tout travaillé comme ça. Il n'y a qu'un seul rédacteur, c'est moi. Toi, tu as fait toute la rédaction. J'ai fait toute la rédaction. Alors, pour les gens qui nous écoutent, je peux vous dire que c'est un sacré boulot. Il y a 367 pages. Oui. Énorme travail, même en niveau vocabulaire, grammatical, technique. Technique oui, aussi. Oui, oui. Franchement, c'est du boulot. Et donc, moi, j'écrivais... on a essayé, je vais essayer d'aller vite. On a fait 5 chapitres et tous les chapitres sont structurés de la même manière. Si tu veux, on en parlera. Et Jérôme, lui, me disait, il faut parler de telle chose, il faut ajouter tel détail. Donc, il me fournissait les documents, j'écrivais et après, on faisait tourner les paragraphes écrits pour que tout le monde dise oui, c'est correct, c'est bien. Et Vincent, lui, a fait toute la partie matérielle du livre. C'est-à-dire qu'on est un vrai trio et si jamais on retire un des membres, il n'y a plus de bouquin. C'est incroyable. Voilà. Moi, je l'ai écrit suivant les documents qu'avait Jérôme. D'accord. Et Vincent a fait le livre. Donc, tu retires un des trois, il n'y a plus de livre. Ok. Ah, c'est incroyable. Non, parce qu'on peut toujours imaginer que dans un trio, il y a toujours un qui est plus, alors pas la tête pensante, tu vois, c'est péjoratif, mais qui serait plus l'élément centralisateur de tout. En fait, vous êtes tous sur un pied d'égalité. Oui, et le travail de chacun est soumis au regard des deux autres. Ah, c'est d'accord. Donc, s'il y en a un des deux autres qui dit, bah écoute, non, là, je trouve que ça va pas, ou il y a une erreur chronologique, ou que sais-je. Toi, oui. Si c'est sur l'écriture, toi, tu reprends. Absolument. Ah, bah, évidemment. Ok. Il y a toujours l'aval des autres. Toujours. Ah, c'est génial. Alors, on va faire une première coupure musicale, Christophe, de ton choix, de Daniel Guichard, Mon Vieux. Alors, pourquoi ce choix ? C'est une chanson qui me touche beaucoup et qui me déprime beaucoup, mais alors, tant pis. Alors, pourquoi tu l'as choisi, Christophe ? Bah, j'ai choisi parce que la dernière fois que j'étais venu, j'avais fait beaucoup d'anglo-saxons, ouais, des chansons. Et il a fallu que je rééquilibre un peu. Et en fait, c'est une chanson qui me touche parce que c'est une rencontre ratée entre un père et son fils. D'accord. Et je l'ai vécu en tant que fils et je l'ai vécu en tant que père. D'accord. Donc voilà, c'est une chanson qui me touche énormément. Ok, et du coup, tu avais envie de le partager avec les auditeurs. Oui, enfin, je me suis dit que c'était une belle chanson et qu'elle marque beaucoup et je trouvais ça intéressant. Très bien. Ok, on écoute tout de suite Daniel Guichard. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été on allait voir la mer, tu vois c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis, dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient monotones. Il ne recevait jamais personne, ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson. Tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Avec mon vieux, chez nous, y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui, sans le regarder, on a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa, prise de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de Christophe Puiseux. Donc pour le livre écrit par le trio Christophe Puiseux, Jérôme Gross et Vincent Puiseux. Vincent, c'est petit frère ou grand frère ? C'est le petit frère. Petit frère. Un petit frère. Il a plus de 50 ans aujourd'hui, mais... Le petit quand même, comme on dit. Voilà. Donc, pour le livre « Nancy et l'aviation, une histoire d'amour et de gloire, l'épopée de l'aviation à Nancy de 1900 à 1960 ». Et je le rappelle parce que c'est très important à mes yeux, c'est un livre auto-édité avec un énorme travail stylistique documentaire. Et vraiment, même quand on est des... Moi, je suis complètement ignorante de cette histoire. Quand j'ai refermé ce livre, j'ai appris plein de choses. Et l'importance de l'aviation, que ce soit économique, civile, voire même sociale, parce que ça permettait aussi d'organiser des sorties autour de ça. Donc, on apprend vraiment plein de choses. Alors, Christophe, combien de temps entre la naissance du projet et l'édition ? 3 ans. Alors, on a commencé pendant le Covid, donc on avait un peu de temps libre. Ouais, ok. Et sur les 3 ans, il y a une grosse année de mise en forme parce qu'on n'avait pas défini un cahier des charges assez rigoureux. Alors déjà, moi, tu me parles de cahier des charges, je me dis, ça demande une discipline incroyable parce que quand on fixe un cahier des charges, il faut y aller. Et là, vous vous rendez compte qu'il n'est pas assez rigoureux. Ben, c'est-à-dire que lorsqu'on l'a relu, parce qu'on l'a relu plusieurs fois, ouais. On s'est dit, tiens, il faut déplacer un paragraphe, il faut rajouter une ligne ou deux, et ça décale toute la mise en page. Donc, on a eu un gros travail chaque fois de remise en forme, en fait. Ok. Et là, du coup, ça vous a pris donc 3 ans plein. À 3 ans plein, entre l'écriture et la mise en forme. Ok. Je voulais te poser une question. Est-ce que quand la mise en forme est faite, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir oublié un détail ? À force de travailler dessus, est-ce que t'as pas... Des fois, on peut se dire, est-ce qu'on n'a pas l'impression de se dire « mince ». Peut-être que là, on aurait dû rajouter ça, ou voilà, tu vois. Il y a surtout des découvertes qu'on peut faire a posteriori, après l'édition. Et on en a fait une ou deux. Du coup, vous allez refaire un livre ? Ben, pas pour l'instant, c'est pas trop prévu. C'est pas prévu pour l'instant. Ben, parce que ce livre, si tu veux, déjà, je voulais te dire qu'il a été sélectionné pour le prix de l'Aéroclub de France en 2024. Ok. On n'a pas eu le prix, mais on était sélectionnés. Vous avez quand même été sélectionnés. On est très fiers. Et c'est un livre, si tu veux, qui est conçu, pour, non pas pour les amateurs de l'aviation, mais pour les amateurs de l'histoire de Nancy. Ah, bien. Et c'est un livre qu'on peut lire ou qu'on peut picorer. Ouais. Parce que si on est intéressé juste par un site, par Malzéville, par Villers ou quoi que ce soit, on peut aller chercher dans le livre les paragraphes, les chapitres qui correspondent. Parce qu'on a voulu une structure toujours la même, hein, un peu des éléments d'histoire générale, d'histoire de l'aviation, d'histoire de Nancy et l'histoire des terrains. Et c'est le seul ouvrage actuellement qui fait la synthèse. Il existe des monographies, mais il n'y a pas de synthèse. Okay. Et c'est un travail vraiment novateur. Donc, tout public peut le lire. Ah bah, ça a été conçu pour ça. Ce n'est pas... moi, c'est ce que j'ai aimé quand j'ai lu ce livre et que j'ai lu celui consacré à Christian Munch, que j'avais vraiment... C'est mon coup de cœur, celui-là. Ah, je merci. L'adore. Ah, c'est gentil. Parce qu'il y a une grande histoire derrière et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est que, quel que soit l'âge, alors évidemment, pas les tout-petits, mais on peut se retrouver... que ce soit dans Nancy, effectivement, ou dans l'histoire des premiers aviateurs, ou dans l'histoire des premiers avions, ça reste accessible à tout le monde. Oui. C'est ça qui est très important. Et je vais prendre un exemple très simple. Il y a beaucoup de Nancéens qui vont se promener au plateau de Malzéville. Hein, beaucoup ignorent l'histoire. Nous-mêmes, on l'ignorait. Donc, quand on a découvert ça, on a eu envie de le partager. Ah, et puis, on a beaucoup cherché d'iconographie. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué, qui nous ont aidés pour ça. Oh, c'est bien, c'est chouette. Et vraiment, c'est le seul ouvrage qui fait ça. Non, c'est vraiment bien. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu, avant de faire la deuxième coupure musicale, des conférences que tu donnes ou que vous donnez, je ne sais pas si... J'essaye de donner. Voilà. Je sais qu'on en avait un peu parlé hors antenne et on avait un peu échangé via les réseaux sociaux. Ces conférences, est-ce qu'elles sont ouvertes à tous ? Comment tu les organises ? Et puis, bah, si quelqu'un veut organiser une conférence... Comment il fait ? Alors, déjà, ce n'est pas moi qui les organise. En général, ce sont des associations et ouais. Je suis invité. Donc, tu es invité. C'est pas toi qui démarche ? Bah, j'ai agité un petit chiffon blanc en disant « Coucou, j'existe. Okay, pensez à moi si vous avez un créneau. » Des fois, ça fonctionne. Okay. Donc, j'ai fait une conférence, là, il n'y a pas très longtemps. Au Cercle du Travail. Au Cercle du Travail, okay. Qui était ma 3e au Cercle du Travail, ouais. Sur Christian Munch. Okay. Donc, je viens avec mon diaporama. Et puis du monde ? Bah, une trentaine de personnes, parce que le créneau, c'est le jeudi soir à 17h, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent. Oui. Ou qui récupèrent les enfants à la salle. Qui récupèrent les enfants. La première conférence, la toute première que j'avais faite pour eux, la salle était comble. Ok. Voilà. Et ça dure combien de temps, tes conférences ? Bah, 1 heure à 1 heure et demie. Ok. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu prends en appui donc les deux livres? Donc il y avait celui sur Christian Munch. Absolument, et celui-là. Ouais. Oui. Ok. Quels sont les retours sur ces conférences? Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Quelquefois, je vends des livres. Ok. Hein, parce que j'arrive avec mon petit carton. Ouais. Et j'en avais fait une à Domartemont aussi sur l'histoire du plateau de Malzéville. Ça avait plutôt bien fonctionné. D'accord. Les gens sont très contents. Et j'ai eu un très joli retour, tiens, c'est très récent, d'une dame de 99 ans. Oui. Qui m'a écrit en disant « Mais moi, j'ai fait mon baptême de l'air avec Christian Munch quelques semaines avant son décès. Oh, » Et voilà le souvenir que j'en ai. Elle avait 11 ans et voilà le souvenir que j'en ai. Génial. Donc, c'est une femme absolument charmante qui était toute fière. Chouette. Toute contente de partager son expérience. Alors, si jamais des auditeurs souhaitent, que ce soit association ou autre, bénéficier d'une de tes conférences, eh ben, comment ils te contactent? Eh ben, il faut me contacter par les réseaux sociaux, okay. Hein, sur Facebook, ça marche assez bien. Ouais. Ok, Christophe Puiseux, tout simple. Tout... Oui, ça existe. Oui, oui. D'accord. Okay. J'existe. Parce qu'il a aussi une autre passion, ce sont les trains électriques. Oui, voilà. Absolument. Mais ça, bon. Tu l'avais dit dans une précédente... Je l'avais dit. Voilà. Ok. Et tu peux faire ça dans n'importe quel lieu, ces conférences ou pas? Oui, tant qu'on a un écran et un ordinateur pour projeter, ça marche. Ok. Très bien. Après, je parle fort et puis de temps en temps, on fait une capture vidéo. Donc, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux. Ok, super. On va faire une deuxième coupure musicale avec, cette fois-ci, Jean-Jacques Goldman pour Néon 17 à Leidenstadt. Oui. Dis-moi tout, Christophe. Alors, beaucoup de gens disent que la plus belle chanson de Goldman, c'est Comme toi. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est celle-ci. Très bien. Parce que c'est une chanson sur le pardon. Ouais. Et c'est une chanson qui est très bien pour les historiens parce que ça permet de ne pas juger les gens quand on travaille, parce que je ne suis pas sûr qu'en 1940, tout le monde aurait été résistant, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait fait à exactement. Cette époque-là, à leur qu'est-ce place, avec les informations. À leur place dans le même contexte. Exactement, et je pense que ça, ça serait bien qu'on s'en souvienne, parce que je trouve que les gens jugent un peu trop vite, un peu trop facilement les choses. Quand on connaît la fin de l'histoire, c'est facile. Quand on la vit, c'est compliqué. Et très bien dit, parce que c'est exactement ce que je pense. Je trouve que c'est bien de prendre un peu de recul vis-à-vis de ça. Très bien, et on se retrouve juste après Jean-Jacques Goldman. Cash si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission, toujours en présence de Christophe Puiseux, qui, je crois, se plaît bien dans nos studios. Ah oui, c'est bien. Oh, oui, on est bien là. Hein. Presque moi, comme bien à venir. La maison. Presque. Presque. J'aime bien venir te voir. Alors, Christophe, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton actualité, tes projets. Alors, est-ce que tu as d'autres projets littéraires? J'ai cru comprendre tout à l'heure que pas tout de suite, tout de suite. Ah bah si, j'en ai un, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'aviation. Alors vas-y, dis-moi tout, parce que moi j'étais presque déçue, ça y est, il n'écrit plus, qu'est-ce qui se passe? Mais si. Donc je termine l'histoire de l'hôtel des postes de Nancy et du quartier cathédrale Stanislas. Ok. Je vais débuter ma troisième relecture. D'accord. Comme ça, okay. ça approche, tout est calé, tout est cadré. On serait pour une sortie pour quand du coup? Alors dans mes rêves les plus fous, avant la fin 2026. Ok. Voilà. Dans les rêves les moins fous, début 2027? Bah, ça serait ça, oui. D'accord. Mais on serait donc allé à 6-7 mois, quoi. Oui, enfin, tout est fait. Hein, j'ai juste à vérifier que tout est bien, qu'il ne traîne pas une faute d'orthographe. On serait sur le même format que Nancy et l'aviation et tout ça? Plutôt comme Christian Munch. Tu d'accord. vois, un format A5 avec les illustrations, avec tout ça. Super. D'autres projets, conférences, tout ça, non? C'est vraiment celui-là? Là, ça dépendra des opportunités qu'on me propose. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas du tout fermé. Après, si demain, on me dit, tiens, il y a une conférence à faire, bah, pourquoi pas, je regarderai le calendrier, si c'est possible. Okay. Je faisais régulièrement des conférences à Nancy-Malzéville pour les journées Marie-Marvin. Oui. La journée Marie-Marvin oui. qui a lieu au mois de juin. Oui. Pour l'instant, les responsables ne m'ont pas encore contacté, donc ils peuvent le faire au dernier moment. Ils peuvent le faire aussi au dernier moment. C'est quoi ton mot préféré? Alors, je suis très curieuse et j'aime bien ce mot. Ça, c'était très compliqué. J'ai mis intelligence parce d'accord. que je trouve que c'est ce qui se perd. Alors, l'intelligence, pas que le... Attends, qu'on parle de la même chose, l'intelligence humaine. Oui. Hein, voilà. Et ne pas confondre non plus avec la culture. Oui. Voilà. Hein, je trouve que... Intelligence synonyme de bon sens? Oui, bon sens. Ouais. Moi, je le définis très souvent comme la capacité à régler des problèmes qu'on n'a jamais étudiés à partir de ses propres connaissances. Tu okay. vois c'est... On a un problème, et ben on utilise ce qu'on sait pour résoudre son problème. Et je trouve que ça se perd. Les gens n'ont plus de sens pratique, n'ont plus de logique. Parce qu'ils sont assistés, à mon avis. Alors, d'une part, ils sont assistés, puis d'autre part, ils se réfugient sur des tutos, des machins, puis ils n'ont jamais tenu un tournevis de leur vie, quoi. Voilà, ce que je ne fais pas d'ailleurs, parce que moi je suis nullissime en bricolage avec tous les tutos du monde, je n'y arrive pas. Donc... Il y a l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, il y a des tas de formes d'intelligence, et effectivement, je trouve que ça se perd beaucoup. Intelligence. Ouais. Ça révèle, le mot choisi, c'est ce que je disais aux invités précédents, ça révèle énormément de choses sur la personnalité de l'invité. Le mot préféré, je trouve. Ah ouais, si j'avais choisi Enclume ou Lavabo, t'aurais pensé à autre chose. On aurait passé un test de psychologie. Christophe, ça a encore été un plaisir de te recevoir. J'étais ravie. Ravie de venir. Et tu reviendras nous voir pour l'hôtel des postes et tout, hein? Eh ben écoute, oui, dès que c'est prêt. Toi, et puis, dès que c'est prêt, tu reviens. Hein, je t'enverrai un petit mot, puis tu me diras quand est-ce qu'on peut, je peux revenir. Écoute, avec grand, grand plaisir. Je vais quand même rappeler le titre de ce livre, Nancy et l'aviation, une histoire d'amour et de gloire, l'épopée de l'aviation à Nancy de 1900 à 1960. Et je trouve qu'il y ait un parfait combo avec l'histoire de Christian Munch. Moi, j'ai adoré les deux, j'étais complètement ignorante et franchement, je me suis régalée. Franchement, c'était top. Pour tous les amateurs de l'histoire de Nancy, parce que j'insiste sur ce point, ça n'a jamais été fait de ce point de vue-là. Il y a des monographies, plus ou moins bonnes d'ailleurs, mais comme ça n'a jamais été fait. Et donc, tu as écrit ce livre, co-écrit et co-créé avec Jérôme Gross et ton petit frère Vincent Puiseux. Absolument. Hein, voilà, ils ont bien travaillé aussi. Voilà, on peut vous féliciter tous les trois. Merci Christophe et j'espère à très bientôt sur les ondes de Caprice de Lecture. Merci beaucoup Sarah. Merci.